hier soit un bœuf qui s'est revu sur le dance floor. Le blaireau dont la tête est noire en pris qu'un œuf. En plus, son congénère est jalouse de son corps. Il faut demeurer sage, bière et cassoulet sont d'un mauvais cousinage. Ultra là. On va voir d'abord si ça va pas trop, c'est pas trop vilain. Là.